Chapitre 9e. Le 6 octobre 1860, après la traversée du Sund depuis Copenhague, je saluai avec un enthousiasme profond la rade verte et le toit rouge d'Elsenor. Malgré la saison, le soleil était chaud et la température presque tiède. C'était en Danemark ma plus belle journée de nature, aussi belle, dans un autre ordre, que ma première journée de Zébul en Suisse. Mon cœur était plein d'infini, et l'aspiration de ma poitrine était aussi puissante que celle de la mer, plus religieuse sans doute, plus religieuse de toute la distance d'une âme à un élément. Nous avons exploré la capitale de Hamlet, aux lueurs de Shakespeare plus encore qu'aux rayons du ciel. Nous avons choisi ensuite à Marienlist, à 20 minutes d'Elsenor, un pavillon qui domine la mer. Nous nous y sommes installés. De là, je touche le Sund, dont je ne suis séparé que par un jardin et un package. Le Sund est sans bornes de Copenhague à Landskrona, puis il devient étroit, se rétrécissant insensiblement de la première pointe suédoise jusqu'à Elsenor et à Marienlist, où il n'est plus qu'une sorte de canal des Dardanelles. De la terrasse de notre pavillon de Marienlist, je compte 310 vaisseaux. Les uns sont à l'ancre, les autres profitent du vent pour rentrer dans le Kattegat. J'aperçois le château de Kronborg sur la rive danoise, et sur la rive suédoise, la tour d'Helsingborg. C'est une féerie. Nous avons loué une barque dans la rade d'Elsenor, et par une mer d'azur sombre, telle que l'aimaient les pirates de Léda, nous avons gagné l'île de Bern. Elle appartient aujourd'hui à la Suède. Elle a deux villages, de belles prairies et de fertiles champs de seigle. Son charme, c'est d'avoir été le séjour de Tycho Brahe. Quoiqu'il ne reste plus des demeures du grand astronome que de vulgaires décombres, à peine quelques pierres moussues, on ne peut sur cette île détacher son esprit du nom qui la rend à jamais célèbre. Tycho Brahe naquit en 1546 au manoir de Knudstorp, près d'Helsingborg en Scanie, contrée qui était alors, comme la Norvège, une province du Danemark. Après une jeunesse très orageuse, des duels, des démêlés avec sa famille patricienne, un mariage avec une paysanne, des voyages nombreux, des études profondes, Tycho Brahe fut comblé de richesses par Frédéric II. Le roi lui donna l'île de Heven, 1000 écus de pension annuelle, un canonicat de 2000 écus à Roskilde et 500 000 francs pour la construction d'un observatoire. L'illustre Scanien, qui avait cultivé toutes les sciences, était surtout en effet un astronome. Il avait recueilli des héritages de ses oncles et il ajouta 500 000 francs aux munificences du roi pour élever dans l'île de Heven deux édifices dont il appela l'un Uranienburg, le château du ciel, et l'autre Stirnberg, la montagne des astres. Il vécut là 20 années en monarque. Ses sujets étaient ses nombreux élèves et les visiteurs nationaux et étrangers. Il offrait à tous l'hospitalité et il les initiait à ses travaux gigantesques, dignes de son génie et de son siècle, le grand 16e siècle. Brahe était un roi intellectuel. Les princes le comblaient d'hommages. Les vaisseaux débarquaient à son île tantôt un philosophe, tantôt un chimiste, tantôt un alchimiste, tantôt un grand capitaine. Une fois c'était Ulrich, duc de Mecklembourg. Une autre fois c'était Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel. Une autre fois encore, Sophie, reine de Danemark. En 1590, Jacques Ier, roi d'Écosse, fils de Marie Stuart, cingla de Copenhague à l'île de Heven. Il habita toute une semaine sous le toit du Uranienburg, fit de magnifiques présents à Tycho Brahe et composa des vers en son honneur. C'était l'astronome qui était le souverain et le roi qui était le courtisan. Christian IV vint aussi passer quelques jours à Stirnberg. Les bienveillances furent réciproques. Christian, qui était fort jeune, ôta de son cou une chaîne et la suspendit comme un gage de son admiration sur la poitrine de Tycho Brahe. Malheureusement, il ne fut pas sourd à la calomnie. Il laissa ses ministres dépouiller le grand astronome de ses pensions, de son canonicat et de son territoire. Le roi, dit-on, eut même l'impiété, après l'expatriation de Tycho Brahe, d'accorder la propriété de l'île de Heaven à une maîtresse qui fit raser les deux temples consacrés à la science. Tycho Brahe était l'homme de la postérité. Il était la plus vive lumière du Danemark. On pouvait craindre que la prévention de la cour et de Copenhague n'obscurcisse longtemps cette lumière. Il suffit d'un nuage pour cacher un astre. L'empereur Rodolphe II fut une providence pour Tycho Brahe. Il lui fit bâtir un observatoire. Il lui donna une de ses maisons princières. il lui assura une pension de 3000 ducats. Tycho Brahe quitta le Danemark avec sa femme, ses enfants, ses élèves, ses serviteurs, et alla prendre possession de sa résidence de Bohême. Il laissa sept adieux en partant. « Danemark, ma chère patrie, en quoi t'ai-je offensé? Mon seul crime est d'avoir agrandi ton nom. » Il continua ses travaux dans cette Uranienburg continentale que l'empereur lui avait disposée près de la ville de Prague. C'est là qu'il mourut, en 1601. Son plus illustre disciple est Jean Kepler. Malgré son opiniâtreté à combattre Copernic et Pythagore dans un but théologique, l'influence de Tycho Brahe fut prodigieuse. Il secoua les esprits, il découvrit Mercure. Il fit des observations nouvelles sur la théorie des comètes, de l'air, de la lumière. Il composa un catalogue plus complet des étoiles fixes. Il inventa et perfectionna des instruments dont la précision rendit tout facile ou du moins tout possible après lui. Ce qui lui manqua, ce ne fut pas le génie, ce fut l'héroïsme de l'innovation. De mon fauteuil, j'embrasse une map monde dépliée sur ma table. Les océans environnent la Terre. Ces océans, Indien, Atlantique, Pacifique, ont leurs sentiers comme le sol ferme de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Les pêcheurs, les navigateurs ont été la plupart, à de certains degrés, des colons. Chacun a fait sa découverte, la science s'est peu à peu formulée. Peu à peu, la mer a eu ses historiens, ses géographes, ses guides. Il y a maintenant des cartes de la mer, des étapes, des haltes. À quelle magnifique découverte ne parviendrons-nous pas? Où s'arrêteront la boussole, la vapeur, le télégraphe électrique et le génie de l'homme? Si je quitte mon fauteuil et cette map monde prophétique, j'aperçois de mon balcon le Danemark et la Suède, le Kattegat, le Sund, et sur le Sund, 2 à 350 navires par jour. Il en passe par an, sous la terrasse où je suis, plus de 15 000 diaprés des drapeaux de toutes les nations. Ces navires vont de la mer du Nord à la mer Baltique, ou de la Baltique à la mer du Nord. C'est un spectacle indescriptible. Le Sund est la grande route mouvante des peuples. Toutes les marines s'y rencontrent et s'y mêlent avec leurs bannières diverses. Le portier majestueux de ce détroit est un général. C'est le gouverneur du château de Kronborg. Le droit payé jadis au château de Kronborg par toutes les nations n'existe plus. Il a été fondé sur ce que la forteresse était un fanal et un asile au besoin. Ce droit, fort contestable, et que le monde maritime pouvait abolir d'un mot, a été capitalisé. Chaque nation s'est rachetée de cet impôt par un sacrifice d'argent. L'Angleterre a tout payé d'une fois. La France, la Prusse, la Russie et les autres puissances s'acquitteront par annuité. C'est l'Amérique, ce sont les États-Unis qui ont provoqué et déterminé la solution de cette question du Sund.